La Duchesse de Chevreuse par Clémence Robert. Chapitre 1er. Le rendez-vous. Par une douce nuit d'été, un cavalier enveloppé d'un long manteau destiné moins à le garantir de l'air qu'à le cacher entièrement dans son ampleur, traversait la paisible vallée de Chevreuse. Aux sombres habits du voyageur, aux précautions qu'il prenait d'amortir sur le gazon le bruit des pas de son cheval, on devinait un mystère. Il arriva à la grille d'un château qui était entr'ouverte et traversa le parc en homme qui connaît les détours. L'homme qui entrait ainsi, sans suite et sans retentissement, était le prince de Chalais, l'honneur de la cour de Louis XIII, et la femme qui le recevait, la noble duchesse de Chevreuse. Son manteau détaché et son large chapeau jeté sur un siège laissèrent voir le jeune homme dans toute son élégance et sa beauté. Il avait alors 24 ans. Ses longs cheveux brun clair, séparés sur son front, tombait en larges boucles sur ses épaules, selon la mode du temps. Ses yeux, d'un ovale parfait, étaient bleus et doux, sa bouche, d'une finesse charmante. Une empreinte de tendresse et de mélancolie régnait sur le haut de son visage, mais sa moustache, bien ouverte et relevée, mettait habituellement sur sa bouche l'apparence d'un fier sourire. La statuaire antique n'offrait rien de comparable à la beauté harmonieuse de ses formes. Sa main était citée pour la plus belle de la cour. Il portait un pourpoint de velours noir aux manches tailladées et ornées de satin blanc. Un grand collet d'entoilage, sous lequel passaient, pour venir jouer sur sa poitrine, des colliers d'honneur, insigne de son rang ou récompense accordée à son mérite personnel. Puis, grand nombre d'aiguillettes d'or semées de diamants. Ses bottines, de peau de daim, fermées de boutons d'or, était garni de dentelles qui tombaient jusqu'à ses éperons. Les premières heures de cette nuit passaient rapidement pour Chalais. Il resta longtemps aux genoux de celle qu'il nommait Valentine, oublieux de toute la terre et perdu dans son bonheur. Ce bonheur n'avait pas de nuages, car si celle qu'il adorait avait quelquefois sur le visage des teintes plus pâles que ses blanches mousselines, si des plis soucieux se formaient sur son front, si tandis que son amant couvrait ses mains de baisers, elle s'occupait à glisser sous un des coussins de soie une lettre qu'elle avait froissée entre ses doigts. Si autour d'elle des papiers épars, des plumes jetées sur des pages commencées, disaient que peut-être elle avait été absorbée par autre chose que par l'attente dans les instants qui avaient précédé le rendez-vous, le jeune amant ne s'en était pas aperçu. Il faut ne pas aimer pour observer. La duchesse de Chevreuse était à demi couchée sur une chaise longue, vêtue seulement de soie et de gaze blanche, et ne portait d'autres bijoux que des perles. Parure d'une beauté non éclatante, en harmonie avec la félicité voilée et mystérieuse de ses heures. Dans un de ces moments d'épanchement où l'homme se livre tout entier à la femme qu'il aime, et où la femme songe encore à étudier le cœur qui lui est offert, Valentine avait, à dessein peut-être, hasardé quelques paroles de doute sur le dévouement de Chalais. Ah, madame, prenez garde, dit celui-ci en se relevant fièrement. Douter d'un amour comme le mien est un sacrilège comme de douter de Dieu même. Le visage et le cou de Valentine se couvrirent d'une demi-rougeur, et elle reprit en tremblant un peu. Vous feriez donc de bien grands sacrifices pour moi? Je les ferai tous. Pour servir un être aimé de moi? Oui, sur l'honneur. Pour me venger d'un ennemi? Oh, plus promptement encore. Vous renonceriez à la fortune qui peut vous venir de la cour? J'ai 300 000 écus de rente, dit-il avec un orgueil d'enfant. C'est l'apanage d'un prince. Aux charges, aux privilèges que vous devez obtenir? Je n'ai pas demandé le gouvernement d'Anjou, le titre de grand maître de la garde-robe. Ils sont venus me trouver d'eux-mêmes. À l'ordre du Saint-Esprit que vous espérez, et dont vous ne parlerez pas avec dédain, car cet honneur-là vous le sollicitez avec ardeur en ce moment. Si j'y renoncerais, pour vous, oh Valentine, un baiser de vous sur ma poitrine vaudrait mieux pour moi que toutes les croix et les décorations du monde. Elle eut un moment de vive et tendre reconnaissance qui se peignit dans ses yeux. Elle continua son interrogatoire sur un mode plus doux et plus gracieux. Et la fortune, les honneurs que vous pourriez faire répandre par une main royale sur votre mère, dites, ami, y renonceriez-vous aussi? Ah, madame, vous croyez m'avoir vaincu en nommant ma mère, et j'aurais peut-être succombé à cette épreuve. mais il ne vous sera pas permis d'y soumettre mon cœur. Je ne peux rien ici pour ma mère. Des richesses n'ajouteraient rien à son bonheur, car elle l'a placé au-dessus des biens que la fortune procure aux hommes. Pour les honneurs, oh, le roi, avec tous les fleurons de sa couronne répandue sur elle, ne pourrait lui en donner autant que ses saintes vertus, que l'élévation de son esprit, que la noblesse de toute sa vie en ont assemblé sur sa tête. Je vois qu'il faut renoncer à vous faire faillir dans les témoignages de votre dévouement. Je suis donc obligé d'y croire. » Et elle lui tendit sa belle main en gage de traité signé. « Faites mieux que d'y croire ainsi passivement, » reprit le jeune homme. « Mettez-le à l'épreuve. » « Cela sera peut-être plus tard. »« Non, pas plus tard, » dit-il en frappant d'un pied impatient sur le tapis. « Aujourd'hui, demandez-moi ma vie. »« Aujourd'hui, pauvre enfant, votre front pourra-t-il déjà supporter des soucis qui font pencher des têtes formées aux intrigues, blanchies à la cour, qui vont troubler jusqu'au fond de l'âme des femmes que l'ignorance, la légèreté, les plaisirs devraient mettre à l'abri de sérieuses inquiétudes ?»« Vous m'avez demandé bien des fois, ami, d'où venaient les soupirs douloureux que vous surpreniez dans ma poitrine, les larmes dont vous aperceviez encore la trace dans mes yeux. Voulez-vous donc l'apprendre aujourd'hui ?»« Oui, » s'écria l'aimant jeune homme en se jetant de nouveau à ses genoux. « À moi tes larmes, tes ennuis, la moindre de tes peines, que je connaisse toutes tes pensées, alors seulement tu seras bien à moi. En retour, que ma vie t'appartienne, que mes jours ne naissent et ne finissent que pour toi. Que mes actions soient attachées à tes désirs comme le bras du cerf aux pensées de son maître. Eh bien, généreux ami, sachez qu'il est un homme dont la méchanceté me tue dans ce que j'ai de plus cher au monde, qui empoisonne la vie de la reine, mon adorable protectrice, et jette son venin sur bien d'autres encore. Cet homme ne peut être ni dépossédé de son pouvoir, ni éloigné de la cour. Il faut qu'il meure, ou que tout succombe sous sa mortelle influence. Oh, Valentine, que ne l'avez-vous dit? Il y a bien longtemps que cette épée vous eût délivrée. Audacieux, vous ne savez pas ce qu'est l'homme dont je veux parler. Fût-ce un duc et père, fût-ce un prince, que m'importe? Plus que cela, le roi? Chalet pâlit et s'éloigna d'un pas. Plus que le roi. Le cardinal? Ah, je respire. Et ce sera plaisir pour moi de combattre cette robe rouge qui me fait mal aux yeux depuis longtemps. Que vous haïssez instinctivement, sans savoir tout ce qu'il y a de haïssable en lui. Il a commencé son règne par la proscription de Marie de Médicis. Après avoir fait de Louis un fils ingrat, qui renvoie la régente à la fin de ses longs travaux, comme un subalterne qui a achevé sa journée, il retient son élève dans la nullité de l'adolescence, dans une étroite piété. Au lieu du sceptre, il lui met entre les mains un faucon, un luth et un livre de prières. Il étend sur la vie du prince une inquisition formidable que son titre d'aumônier de la jeune reine lui permet d'exercer. Tout ce qu'Anne d'Autriche souffre par lui est impossible à exprimer. Malheureuse comme reine, dont il lui ôte toute l'autorité, malheureuse comme femme, dont il lui refuse les douceurs privées, quand elle tourne son âme vers les consolations de la piété, où les plus simples créatures peuvent puiser des soulagements, elle trouve, dans ce temple tout de paix et d'amour, la haine la plus cruelle de toutes, celle qui est de l'amour empoisonné. La duchesse s'arrêta quelques instants, oppressée par les violents mouvements de son cœur. Elle passa plusieurs fois la main sur son front coloré par l'indignation, puis elle reprit, en faisant bien plus d'efforts sur elle-même. Par les mêmes motifs d'orgueil et d'implacable jalousie, le ministre poursuit surtout de ses méchancetés l'illustre étranger qui habite maintenant notre cour, qui attire à lui les sympathies de la jeune noblesse et paraît fixer la faveur de la reine. Il veut à tout prix éloigner Buckingham. Il persuade au roi que l'amour de l'ambassadeur et d'Anne d'Autriche est évident. Il met dans l'âme de Louis, où elle est légitime, la jalousie qui dévore son sein. Il a, dit-on, décidé ce prince à demander à l'Angleterre de changer son ambassadeur à la cour de France. J'ai reçu une lettre de Madame de Motteville qui ne laisse aucun doute à cet égard. Chalet écoutait ces choses dans un profond silence. Elles le frappaient péniblement. sans soulever dans son âme toute l'indignation que la duchesse aurait voulu y voir. « Vous êtes étranger à ces intrigues, mon ami, » dit-elle. « Vous revenez de la guerre du Languedoc, de ces lieux où l'on ne songe qu'à enlever à la pointe de l'épée quelques remparts aux Huguenots. Vous ignorez les outrages dont nous accable notre mortel ennemi. Si j'osais, après les personnes illustres dont j'ai parlé, me citer moi-même, vous sauriez que je n'ai pas été épargné dans ces insultes les plus éclatantes. Vous pourrez en juger par une seule. » Il disait l'autre jour, en me regardant par-dessous ses pâles paupières, que la maréchale d'Ancre n'était pas morte, qu'il existait toujours une femme attirant à elle les trésors de la couronne et abusant de la faveur de la reine pour vendre les charges et les emplois. Faisant par là allusion à la fortune de la favorite, qui est arrivée entre mes mains, par l'héritage de M. de Luynes, et m'accusant de lui succéder dans ses crimes comme dans sa position auprès du trône. « Il a dit cela de vous ?» s'écria Chalais en portant la main à son épée. « Il a dit cela de vous, et vous n'êtes pas encore vengé ?»« Je ne veux pas l'être par vous seul, généreux enfant. Songez bien à ce que je vous demande. Ce n'est pas une lutte corps à corps avec le cardinal-duc, vous succomberiez, mais une conspiration germe contre lui. Elle est formée par de jeunes seigneurs épris de leur rang, de leurs droits, de leur liberté, que Richelieu veut atteindre. C'est Gaston, le frère du roi, Montmorency, les deux Vendômes, Maugiron, D'Entragues, Joinville, enfin tout ce qui a du sang noble dans les veines. Joignez-vous à ces esprits chaleureux, mais légers et incertains, déterminés par votre ardent enthousiasme, ces courages qui balancent encore. Activez par votre persévérance et par votre énergie une action trop lente à s'accomplir et que les retards compromettent chaque jour davantage. » Chalais se plaça devant la duchesse, mit la main sur sa poitrine et dit avec une gravité solennelle « Je vous donne ma parole de prendre tous les moyens possibles de vous venger de Richelieu. Songez, avant de vous engager davantage, qu'il faudra rompre momentanément avec le roi. J'y ai songé. Louis vous protège et vous aime. Je vous ai promis. Il vous a fait grand maître de la garde-robe. Le ciel m'a fait noble et prince, madame, et je vous ai promis. » Elle baissa les yeux comme honteuse d'avoir douté, puis reprenant avec bonheur « Ami, les flambeaux pâlissent. Mon Dieu, c'est le jour qui commence à naître. Partez, Chalais. Au nom du ciel, partez bien vite. Je ne veux pas qu'on vous voie à cette heure dans la vallée de Chevreuse. » Il venait de finir une des nuits de ce temps où les amours, grandes préoccupations d'alors, se mêlaient aux affaires de l'État, s'établissaient dans l'histoire pour passer de siècle en siècle à la postérité. Le prince de Chalais descendit dans l'obscurité l'escalier dérobé. Lorsqu'il fut sur le perron, où l'ombre commençait à se blanchir de la première lueur du matin, il se vit précédé de quelques pas par une forme noirâtre, de l'apparence d'une figure humaine de haute taille, qui se détachait seulement sur la brume par une teinte plus sombre et un léger mouvement. Il s'élança d'un bond impétueux pour le saisir, mais à l'instant où sa main allait l'atteindre, il vit cette ombre glisser dans les premières allées du jardin, et lorsqu'il se fut porté précipitamment de ce côté, le fantôme avait disparu.